Elle regardait souvent par sa fenêtre. Elle m'attendait peut-être. Je ne le savais pas. Elle a mis des rideaux à ses fenêtres. Elle se cachait peut-être. Je ne la voyais pas. Qui peut me dire aujourd'hui si elle m'aimait vraiment, si elle perdait son temps? Qui peut me dire aujourd'hui si elle m'aimait vraiment autant? Je suis passé souvent sous ses fenêtres. J'ai attendu longtemps, même quand il y avait du vent. J'ai dû parler souvent sous ses fenêtres. J'ai dû chanter peut-être. Il est passé le temps. Qui peut me dire aujourd'hui si je l'aimais vraiment, si je perdais mon temps? Qui peut me dire aujourd'hui si je l'aimais vraiment autant? Nous aurions dû être amants.